إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le premier cours qu'on fait sur une conférence ou un cours qui a été donné par le Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah, le grand savant du Yémen, le muhaddith Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. Donc on va lire ensemble cette risala. Le titre, en fait, c'est dans un livre qui s'appelle Fada'ih wa Nasa'ih. Okay? Et puis c'est un recueil de différentes conférences qui ont été faites par Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. Il y a dedans 6 différentes conférences qui ont été données. Celle qu'on va lire aujourd'hui, le titre de cette conférence-là, c'est Hiwarun ma'a jama'at al-takfir, c'est-à-dire un dialogue avec la jama'at al-takfir. Et en réalité, c'est une réfutation du manhaj des Khawarij. Il y a des gens qui sont sur la voie des Khawarij aujourd'hui. Et on sait que les gens de takfir, on dit en fait takfir, mais la bonne expression serait plutôt les gens qui exagèrent dans le takfir. Parce qu'on sait que le takfir, c'est un verdict de la sharia, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et son messager qui ont le droit de faire de prononcer ce verdict-là, c'est-à-dire dans le sens que ce verdict-là, il doit être tiré du Coran et de la Sunna. Et les gens de takfir, quand on parle des gens de takfir, on ne parle pas nécessairement uniquement de quelqu'un qui fait le takfir. Parce qu'il y a un takfir qui est en accord avec le Coran et la Sunna, qui est fait par les ulama de Ahl Sunna wal Jama'a, lorsque les preuves sont appliquées et que les conditions sont respectées et que le takfir est fait selon les règles du Coran et de la Sunna et du manhaj des salaf al-salih. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'objection, comme le fait par exemple, juste pour donner un exemple, le fait de dire que les juifs et les chrétiens sont des koufars, ou de dire que les athées sont des koufars, ou que les gens qui nient quelque chose de l'islam, qui rejettent quelque chose du Coran et de la Sunna, après que la preuve a été établie contre eux, sont des koufars, il n'y a pas de problème, yani, dans ce genre de takfir. Comme dans Nawaqid al-Islam, quand on étudie les 10 choses qui annulent l'islam et que on les a bien compris et on comprend les principes et les règles qui sont reliées à ces choses-là, ça y a pas de problème. Le problème, c'est on parle des gens ici qui exagèrent dans le takfir, dans le sens qu'ils font le takfir sans preuve, ou bien ils font le takfir à propos de choses qui ne sont pas qui atteignent pas le niveau de kufr, qui n'atteignent pas le niveau de shirk, et eux ils les déclarent comme étant kufr ou shirk majeur, soit que ce sont pas des formes de kufr ou de shirk du tout, ou soit que ce sont des formes de kufr ou de shirk mais qui sont parfois des formes de kufr ou de shirk mineur, et ils ne font pas la distinction entre les deux. Donc nous, c'est de ceux-là qu'on va parler aujourd'hui. Un point que j'aimerais commencer à expliquer avant de rentrer dans la conférence du Cheikh Muqbil, rahimahullah, c'est que, à l'époque actuelle, il y a beaucoup de groupes, de sectes, d'organisations islamiques qui prennent, qui ont pris le manhaj des Khawarij comme principe et comme fondement. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui parmi les musulmans qui sont sur la voie d'Ahl Sunnah al-Jama'ah, il arrive souvent que certains d'entre eux se fassent tromper par des différents groupes de Khawarij actuellement. Parce que les Khawarij d'aujourd'hui, bien entendu, ils sont pas bêtes au point de se dire Khawarij eux-mêmes. Hein. Ils vont pas venir voir les gens puis leur dire, nous on est des Khawarij. Hein. On s'appelle Khawarij. Et on a un groupe, on est ensemble et on s'appelle des Khawarij. Donc celui qui pense que quelqu'un va lui venir comme ça, alors c'est comme si il s'imagine que les munafiqines vont venir et vont leur dire, nous on est un groupe, on s'appelle les munafiqines, hein, et puis on croit pas réellement en l'islam mais on fait semblant d'être musulman. Donc si quelqu'un s'imagine qu'un munafiq est aussi bête, hein, au point qu'il va se dire lui-même munafiq ouvertement et clairement et explicitement comme ça, donc il faut bien comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous a donné les caractéristiques des munafiqines et il les a décrits par des caractéristiques par lesquelles on pourrait les reconnaître, hein, lorsqu'ils disent des paroles ou lorsqu'ils font des actes qui s'apparentent au nifaq. Et bien, la même chose aussi pour les gens de bid'ah, hein, les ulama ils nous ont décrit leurs caractéristiques, et en particulier les khawarij, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné leurs caractéristiques, et les sahaba ont parlé d'eux, et les ont décrits pour nous, justement pour qu'on soit capable de les reconnaître par leurs paroles, et par leurs caractéristiques, et non pas nécessairement par le nom qu'ils se donnent. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les khawarij, ils vont pas venir voir les gens pour leur dire, nous on est des khawarij, hein, on est un groupe qui s'appelle khawarij, et on appelle les gens à la religion ou à la compréhension des khawarij, et on appelle les gens au takfir, et on appelle à ci et à ça. Ils vont pas le dire de cette façon-là, ils vont essayer d'utiliser justement des ruses et des méthodes pour justement faire en sorte de justifier les innovations et les bid'ahs auxquels ils appellent, pour essayer de faire croire aux gens que ce à quoi ils appellent, c'est la vérité, et que c'est ça qui est, et c'est ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Et bien entendu, c'est d'une manière qu'ils utilisent, comme la plupart des gens de bid'ahs et des gens d'égarement, c'est d'utiliser des mutashabihat dans le Coran, hein, ou bien d'utiliser des mutashabihat dans la Sunna. C'est-à-dire des versets qui peuvent prêter à différentes formes d'interprétation, à différentes interprétations, qui peuvent être compris de différentes façons. Hein. Eux, ils prennent ces versets-là, ils se concentrent sur ces versets-là et ils essaient de créer de la fitna et de la division et de mélanger les gens et de faire de la confusion par rapport à ces versets-là. Donc ça, c'est la méthode des gens de bid'ah en général et en particulier, c'est la méthode des khawarij. Hein. Comme les salafs l'ont expliqué. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de groupes aujourd'hui qui se basent sur ces idées-là. Et ils font, soit ils font le takfir des musulmans ou des dirigeants ou des savants de l'islam en se basant sur des choses qui ne sont pas des actes ou des croyances ou des paroles de kufr. Ils les déclarent kuffar. Ou bien, ils vont appeler à la rébellion contre les dirigeants et appeler à les renverser, ou bien ils appellent à la démocratie ou d'autres voies, yani, par lesquelles ils essaient d'appeler les musulmans à yani, changer les dirigeants qui sont en place. Donc ils appellent à ça et ils ont des intentions ou des intérêts ou des discours qui sont des discours politiques ou bien qui sont des discours économiques, hein, des discours de justice sociale ou d'autres discours de ce genre. Et on le reconnaît et on va en donner des exemples de ça au fur et à mesure qu'on va lire cette risale du Cheikh Mouqbil. Donc, on en voit et on en entend plein de ces gens-là aujourd'hui, de ces jeunes-là. Et comme le Cheikh Mouqbil, il va nous le montrer, la plupart d'entre eux, ils ont une caractéristique qui les rassemble et qui les réunissent tous. c'est qu'ils sont des gens qui sont ignorants. Hein? Ce sont des gens qui ont une chose en commun. Ils ont une chose en commun, c'est qu'ils sont des juhal. Hein? Étant donné qu'ils font le takfir des ulama, eh bien, ce sont des gens qui n'ont pas d'ulama, des gens qui ne retournent pas aux gens de science. Et parfois, ils vont essayer de mentionner des paroles des ulama pour justifier leur position, alors qu'en même temps, ils font le takfir de ces ulama-là. Hein? Donc, ça, c'est l'absurdité de leur méthodologie. Donc, il y a les groupes de bid'ah qu'on connaît bien, comme les Ikhwan, hein, qui, à première vue, certains considéreraient comme un groupe ordinaire, dans le sens que ils ne les considèrent pas nécessairement comme étant des Khawarij ou comme étant un groupe violent, alors que, en particulier, ceux qui sont, par exemple, dans certains pays occidentaux, parce que dans les pays occidentaux, ils se donnent une image, une certaine image de modération, d'ouverture, de dialogue, c'est-à-dire qu'ils essaient de se montrer comme des gens qui ne sont pas trop religieux, pas trop pratiquants, même ils s'opposent certaines fois à des principes clairs de la religion. Et certains musulmans s'imaginent que bon, ça c'est leur position, c'est ça leur voie. Et donc, par conséquent, ils ne les considèrent pas comme étant des Khawarij. Toutefois, il faut bien comprendre que ce groupe politique-là, à la base, il a été créé pour opposer les dirigeants au pouvoir et pour les remplacer par des gens de leur groupe à eux. Donc, c'est un groupe politique à la base et leur intention est politique et leur manhaj est politique. Donc, il est basé sur un des principes, parmi les principes des Khawarij, c'est-à-dire prendre le pouvoir et essayer de prendre le contrôle. Deuxièmement, parmi les Ikhwan, il y a différentes tendances. Et les Ikhwan, c'est un peu comme une sorte de pieuvre avec plusieurs pattes. Hein? Et ils peuvent prendre plusieurs différentes apparences ou formes, hein? Parce qu'ils ne sont pas tous sur la même croyance et sur la même voie. Donc il y a des tendances parmi eux qui sont soufis, hein? Il y a des tendances parmi eux qui sont modernistes, il y en a parmi eux des tendances qui sont très extrémistes et exagérées, il y en a qui suivent la voie de Sayyid Qutb et des groupes de Hijra ou Takfir et des choses comme ça. Donc tous ces groupes-là découlent des Ikhwan, hein? Et il y a d'autres groupes aussi dans d'autres pays musulmans qui suivent la même voie ou qui sont inspirés de la voie des Ikhwan et qui sont avec des différents noms, ils ont des noms différents, et parfois vous allez voir qu'ils se désavouent même des Ikhwan, toutefois ils ont les mêmes principes et les mêmes fondements que les Ikhwan. Donc c'est des gens qui sont sur cette voie-là. Ils appellent, comme par exemple, à critiquer les pouvoirs qui sont dans les pays musulmans, etc. Et donc, même par exemple, Tariq Ramadan qui paraît comme étant quelqu'un qui est pacifiste et modéré, eh bien, vous entendez ses discours et souvent il fait des doigts contre les dirigeants. Hein, il fait des doigts contre les dirigeants dans les pays musulmans et il les critique et il parle contre eux ouvertement. Il appelle à la critique des dirigeants et à l'opposition de certains pays musulmans. À la limite, il ne le dit pas explicitement, mais à la limite, on dirait même parfois qu'il les considère comme étant des pays non musulmans. Allah al-Musta'an. Donc, il parle de leur injustice et des choses de ce genre. Donc, ça, c'est la voix des Khawarij. Hein? Ça aussi. Et on va donner des exemples au fur et à mesure. Juste un instant. Naam. Donc, il y a ce point-là par rapport aux Ikhwan. Et il y a d'autres groupes de takfir. Hein, qui sont reliés aussi aux Ikhwan, comme on a vu, mais qui ont des tendances encore plus extrémistes que les Ikhwan dans certains points. Comme par exemple les groupes qui sont apparus dernièrement, les groupes de Jihad et Takfir, qui ont des influences et des liens avec les Ikhwan aussi. Et il y en a qui utilisent des ruses comme les Qutbiyya et les Sururiyin, qui sont la branche des Ikhwan de l'Arabie Saoudite qui ont été inspirés et influencés par les Ikhwan qui ont fait leur da'wah là-bas en Arabie Saoudite en secret et en sourdine. Beaucoup de gens qui ont été influencés par cette voie-là en Arabie Saoudite maintenant, on les appelle les Qutbiyya, les Sururiyya. Ils sont pas seulement en Arabie Saoudite maintenant, ils sont répandus un peu partout dans les pays musulmans et même dans les pays occidentaux. Et ils font leur da'wah maintenant, ils ont des mosquées même ici en Occident. Il y en a en Belgique, il y en a en France, il y en a ici à Montréal, il y en a aux États-Unis. Hein, et ils propagent cette da'wah maintenant. Et ils appellent au takfir des dirigeants et des pays musulmans. Et même parfois des ulama, ils vont appeler des ulama qui ne font pas le takfir. Hein, ils les appellent des murji'a. Ou bien ils les accusent d'être des agents du gouvernement ou des choses de ce genre. Donc, ce sont des gens qui élèvent les gens de bid'a et les égarés et qui attaquent les ulama d'Ahl-Sunnah et qui les critiquent. Donc, je pense qu'on en a assez dit. Je pense que c'est assez clair. Il faut juste faire attention à ces sururiyya et à ces gens de qutbiyya, hein, parce que ceux-là, ils essaient de se faire passer pour des salafis. Et ils essaient de montrer qu'ils sont salafis de différentes façons, en se disant eux-mêmes salafis, ou en citant parfois des références et des livres et des paroles de certains ulamas qui sont des ulamas d'Ahl-Sunnah, pour essayer de les prendre comme exemple ou comme référence, ou comme pour dire qu'ils sont sur la même aqida que eux, alors qu'ils déforment souvent leur position et leurs paroles. Et ils prennent une partie et ils laissent le reste. Donc, c'est des gens rusés comme ça. Donc, il faut faire attention justement quand on prend ou quand on entend des choses. En principe, on ne doit pas prendre d'eux, mais ça arrive que des gens les écoutent parfois parce qu'ils ne connaissent pas leur réalité. Donc, il faut faire très attention à ceux-là. Hein? Et donc, c'est ça. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, parmi les salafis qui ne savent pas comment les reconnaître ou comment les distinguer. Et c'est en fait, il y a des points qui sont clairs là-dessus, comme par exemple le fait qu'ils critiquent toujours les dirigeants puis qu'ils appellent au takfir et qu'ils ont ce point-là en caractéristique. On peut les reconnaître par ça, mais aussi, bien entendu, il y a d'autres caractéristiques par lesquelles on peut les reconnaître. Mais bon, ça c'est très important. Même à Montréal maintenant, ils ont fait venir un de leurs représentants justement parmi ces Qutbiyya et ces Sururiyyin, Salah Al-Sawi, hein, et ils sont en train maintenant de pousser cette da'wah à Montréal avec plus d'énergie et de force, surtout chez les non-arabes, hein, parce qu'ils ont vu qu'il commençait à y avoir beaucoup d'entre les jeunes maintenant qui commencent à se rapprocher du manhaj des salafs. Ils ont commencé maintenant à essayer de propager leur position et leur vue, et ils ont invité donc Salah Sawi à ouvrir une branche de son université ici à Montréal. Donc ça c'est des exemples, hein, et ils le présentent comme étant un salafi ou comme quelqu'un qui a la aqida des salafs ou qui est sur la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, alors que bien entendu il appelle à des voies parmi les voies des Khawarij. Donc ça c'est dangereux justement. Donc on va lire cette risala du cheikh maintenant, on commence inshallah. Cheikh Mukbil rahimahullah, il dit: Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Il dit: أما بعد فإن افتراق الأمة يعتبر علما من أعلام النبوة لما روى أبو داود في سننه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. Donc le Cheikh Mukbil il commence en disant, hein, en faisant la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala et en envoyant la paix et le salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et ceux qui se sont ralliés à eux. Et il témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, lui seul, et il n'a pas de partenaire. Et il témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Ensuite, il dit que la division de la Ummah, c'est quelque chose qui peut être considéré comme un signe parmi les signes de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé qu'il y allait avoir de la division dans cette Ummah. Et il dit, parce que ça a été rapporté selon, par Abi Daoud dans son Sunan, par la voix de Muhammad ibn Amr ibn Alqama, selon Abi Salama, selon Abi Huraira, radiallahu anhu, qu'il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les juifs se sont divisés en 71 sectes, que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et que cette umma allait se diviser en 73 sectes, c'est-à-dire cette umma, c'est-à-dire la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, allait se diviser en 73 sectes. Ensuite, il dit wa lima rawa Abu Daoud fi sunanih عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وذكر الحديث نحو الأول ثم زاد في آخره كلها في النار إلا فرقة فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الجماعة ثم قال إنه سيأتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه أي تدب في عروقهم الأهواء كما يدب الكلب إذا عض الشخص فإنه ينفث فيه السم فيجري في جميع أعضائه وهذا يعتبر علما من أعلام النبوة. الشيخ مقبل رحمه الله الزيانسويت. Et également par rapport à ce que l'imam Abu Daoud, dans son Sunan, a rapporté selon Muawiyah radiallahu anhu, qu'il a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les juifs se sont divisés en 71 sectes, et il a mentionné le hadith, hein, qui est pareil comme le premier qu'on a mentionné, puis à la fin, il a rajouté, elles sont toutes en enfer, excepté une secte. C'est-à-dire notre umma sera divisée en 73 sectes, hein, et elles seront toutes en enfer, toutes ces sectes, ces sectes, elles seront toutes en enfer excepté une d'entre elles, hein, c'est-à-dire 72 en enfer et une au paradis. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été questionné à ce sujet-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la jama'a, que ce groupe, cette secte qui sera pas en enfer, qui sera au paradis, parmi les 73, c'est la jama'a, hein, c'est-à-dire que c'est le groupe. Puis, il a dit par la suite, il y aura des gens chez qui les passions vont couler en eux, vont marcher en eux, vont circuler dans leur corps, de la même manière que la rage, hein, circule en un individu. C'est-à-dire que, lorsque quelqu'un, comme le cheikh Moukbel, il explique, il dit, il y a des gens chez qui, lorsqu'ils ont été mordus par un chien, hein, ils ont attrapé la rage, alors ce poison, il circule partout dans leur corps, hein, et ça les emplit au complet, ça circule partout en eux. Eh bien, il y a des gens parmi les gens de la Ummah, ils vont être pris par les passions de la même manière qu'un chien. De la même manière qu'une personne qui a été mordue par un chien, lorsqu'il est pris par la rage, eh bien, eux, ils seront pris de la même manière qu'eux, sauf qu'ils vont être pris par les passions. Hein? Les passions, il y en a qui égarent les gens. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a comparé les innovations et les bédards, et les passions, il les a comparées à de la rage, lorsqu'une personne est mordue par un chien enragé. Hein? Et c'est ça ce qui se passe lorsque vous voyez les khawarij, vous sentez que c'est des gens quand vous les regardez, quand vous les écoutez parler, vous avez l'impression que c'est des gens qui ont été mordus par un chien enragé, hein, et comme si on dirait qu'ils ont la rage. Parce que la seule chose, hein, à laquelle ils sont capables de penser, et la seule chose de laquelle ils sont capables de parler, hein, et qu'ils ramènent tout le temps, c'est la question du takfir et des hukam. Et c'est comme si pour eux, dans la religion de l'islam, il n'y avait rien d'autre qui existait que yani, la question des hukam et de faire le takfir. Donc c'est des gens qui, quand vous les voyez, ils sont pris par la passion, et cette passion elle circule dans leurs veines comme la rage, hein, lorsque quelqu'un a été mordu par un chien enragé. Le cheikh il dit ensuite wa alamun thalith, un autre signe de la prophétie, un troisième, hein, parmi les signes de la prophétie. Il dit ma fi sahihain an abi sa'id al-khudri wa ali ibn abi talib radiyallahu anhuma wa jam'un min as-sahaba وقد ذكر مسلم نحو عشرة أحاديث في صحيحه في كتاب الزكاة في ذم الخوارج وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. Cheikh il dit donc qu'un troisième signe de la prophétie est venu dans As-Sahihayn, dans Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Sa'id al-Khudri et Ali ibn Abi Talib et un groupe parmi les Sahaba. Et l'imam Muslim a rapporté environ une dizaine de hadiths dans son Sahih, dans le chapitre Kitab al-Zakah, pour faire la critique et le blâme des Khawarij. Hein? Et si vous retournez à Sahih Muslim, vous allez les retrouver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, au sujet des Khawarij, innahum yamruquna min ad-din, ils vont sortir de la religion comme hein, kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya, comme une flèche quitte l'arc. Hein, et vous allez mépriser, l'un de vous méprisera sa prière par rapport à leur prière, en comparaison à leur prière. Et il va mépriser son jeûne par comparaison avec leur jeûne. En parlant des Khawarij, en disant que les Sahaba vont mépriser leur salat et leur jeûne, hein, par rapport à celle de, à la salat et au jeûne des Khawarij, parce que les Khawarij sont des extrémistes dans l'adoration. Ils sont des gens qui exagèrent dans l'adoration. Ils veulent faire plus d'adoration même que les Sahaba. Hein. Donc ça montre leurs égarements. Et yani, cette conférence qu'on est en train de lire du Cheikh Mokbil, elle a été enregistrée, et je l'ai déjà entendue avec sa propre voix. Et yani, le Cheikh Mokbil, je suis certain que la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà entendu. Il a un style particulier que vous ne retrouvez hein, nulle part ailleurs. Il a une façon de parler, il a une façon de dire les choses quand il commence à... Hein, quand il commence à frapper les gens de bid'a et à réfuter les gens de l'égarement, hein, ça les fait trembler. Yani. Et une fois, Cheikh Mokbil, hein, rahimahullah, il n'a pas besoin de faire une longue série sur quelqu'un pour montrer son égarement. Une seule parole de lui, ça suffit. Hein. Lorsqu'il parle contre quelqu'un parmi les gens de l'égarement, hein, et qu'il a fait une cassette sur quelqu'un, et que cette cassette a été répandue, ça y est, c'est fini pour lui. Hein? Il a réglé son cas. Hein? Et c'est comme ça qu'il est, Cheikh Mokbil, qu'il était, rahimahullah, hein? Lorsqu'il faisait une réfutation d'un mubtadi' ou bien d'un groupe de bid'a. Yani, ça y est, par la suite, yani, il n'y en a pas un qui allait hein, être capable de remonter par la suite pour essayer de faire des shubuhat par la suite, parce que yani, il ne lui laissait pas de chance. Hein? Cheikh Mokbil, rahimahullah, il était fort yani, sur la sunna et dur contre les gens de bid'ah. Ensuite, il dit كما ثبت وكما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة وعبد الله ابن أبي أوفى والمعنى متقارب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج إنهم كلاب أهل النار ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. Donc le cheikh il mentionne une autre parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée dans la musnad de l'imam Ahmad, hein, qui fait partie des hadiths de Abi Umama et de Abdullah ibn Abi Awfa. Et la signification, elle est rapprochée, hein, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des Khawarij que ce sont les chiens des gens de l'enfer. Que ce sont les chiens des gens de l'enfer. Donc on voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les Khawarij. Maintenant aujourd'hui, vous avez des gens qui, quand ils parlent des Khawarij, ils sont pris de sentimentalisme et de pitié, et qu'ils commencent à essayer de jouer à l'avocat du diable en essayant de les défendre, et qui commencent à dire ce sont nos frères, etc., etc. Hein? Alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il les a qualifiés des chiens, des gens de l'enfer. Aujourd'hui, si tu mentionnes à ces gens-là ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, ils commencent à dire comment tu peux traiter tes frères de chiens de l'enfer. Allah al-Musta'an. C'est pas nous qui avons traité ces gens-là de chiens de l'enfer en premier, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et donc, hein, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il les a décrits comme ça. Donc, il n'y a pas de problème pour nous aujourd'hui de les décrire comme étant des chiens des gens de l'enfer, ou bien des chiens de l'enfer. Innahum kilab ahl al-nar. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. C'est-à-dire, le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم les a décrits en disant que ce sont les gens qui tuent les gens de la foi et qui laissent en paix les gens des idoles, les adorateurs des idoles. وقد وقع هذا فإنه مر بهم يهودي فقالوا ذمة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فلم يعرضوا له ومر بهم عبد الله ابن خباب ابن الأرد فقالوا حدثنا عن أبيك فحدثهم بحديث في التحذير من الفتن ومن سفك دماء المسلمين ثم قتلوه وبقروا بطن جاريته وكانت حاملا. Cheikh Muqbil rahimahullah, il mentionne un exemple. Il dit, ils ont fait ça. Hein? C'est arrivé, ces choses-là sont arrivées d'eux, dans le sens que ils tuent les gens de la foi, c'est-à-dire ils tuent les musulmans et ils laissent les adorateurs des idoles. Il mentionne un exemple qu'une fois, il y a un juif qui est passé par chez eux. Et le juif leur a dit, nous sommes sous la protection de votre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sous le pacte de votre prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils ne l'ont pas, ils ne lui ont rien fait, ils l'ont laissé passer. Tandis qu'un des sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Khabbab, il est passé, ils lui ont dit, rapporte-nous un hadith de ton père. Alors il leur a rapporté un hadith au sujet de l'avertissement contre les fitanes, contre les tribulations et les problèmes, hein, et contre les épreuves, et il est contre le fait de faire couler le sang des musulmans. Alors ils l'ont tué, et ils ont ouvert le ventre de sa servante, hein, alors qu'elle était enceinte. وَلَهُمْ مَوَاقِفَ كَثِيرًا بَلْ إِذَا قَرَأْتَ التَّارِيخِ وَجَدْتَهُمْ يُحَارِبُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَتْرُكُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ وَوَجَدْتَهُمْ أَكْبَرُ عَوْنٍ لِأَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فرب معركة تكون ملتحمة بين الإسلام والكفر فيخرج الخوارج في البلدة فيضطر المسلمون إلى الرجوع من أجل حماية أعراضهم من الخوارج. Le cheikh il dit, ils ont beaucoup de choses de ce genre, yani, qui est arrivé de leur part, hein, dans l'histoire. Ils ont beaucoup d'événements comme ça qu'ils ont fait, qui montrent cet aspect-là de leur méthodologie et de leur égarement. Et lorsque le cheikh Muqbil rahimahullah, il dit, et si tu lis l'histoire, tu vas trouver clairement que ils combattent et ils font la guerre aux gens de l'islam, et ils abandonnent les gens qui adorent les idoles. Et tu les trouveras parmi les gens qui sont le plus grand aide, hein, qui offrent aux ennemis de l'islam le plus grand aide contre les musulmans. Et ça, on le remarque. Qu'est-ce que le cheikh, rahimallah, qu'est-ce qu'il dit? On le remarque aujourd'hui, la même chose. Hein, que c'est des gens qui offrent beaucoup d'aide aux koufars, soit directement ou indirectement. Du fait que, par exemple, aujourd'hui, on a vu de la part des Khawarij, avec leurs attentats et leurs groupes terroristes et leurs activités terroristes qu'ils ont fait dans le monde, on a vu que les koufars en ont bien profité et qu'ils ont utilisé ça en leur avantage et en leur faveur, hein, pour justifier les attaques qu'ils ont faites contre les musulmans. Donc, quand il y a des groupes de Khawarij qui commencent à faire des attaques et à commencer à faire de la fitna et à désobéir aux dirigeants musulmans et à faire des groupes entre eux pour appeler les musulmans, yani, au soi-disant djihad, comme ils le prétendent, eh bien, les koufars, ils prennent ça et ils l'utilisent comme justification pour leurs agressions contre les musulmans. Parce que ça, c'est une de leurs méthodologies aujourd'hui. Premièrement, ils reconnaissent pas ils ne reconnaissent pas la validité ou l'autorité des dirigeants qui sont au pouvoir dans les pays musulmans actuellement. Et ils prétendent, parmi leurs choubouhad, qu'il faut que, pour qu'un dirigeant soit un dirigeant auquel on obéit, il faut que ce dirigeant-là, il soit parfait, sans péché, qu'il ne commette aucune erreur, aucune faute, aucune injustice. Ça, c'est de un. Deuxièmement, parfois même, ils vont dire qu'il faut qu'il soit le khalifa de toute la Ummah au complet, et que s'il n'est pas le khalifa de tous les pays musulmans, de tous les musulmans en même temps, qu'on ne lui doit pas obéissance et on ne lui doit pas aucune écoute. Et donc, il justifie de cette manière la création de groupes et de partis islamiques qui sont indépendants du gouvernement et parfois même contre les gouvernements musulmans, et qui s'attaquent et qui s'opposent ouvertement aux dirigeants, et par la suite ils vont même justifier et argumenter en faveur des groupes de djihad et de takfir qui sont créés dans les pays musulmans. Et comme Salah al-Sawi justement il le dit dans ses livres, hein, que les groupes islamiques actuellement sont comparables à des armées islamiques, hein, et qu'ils remplissent, hein, ce rôle-là justement, et il appelle justement les musulmans à collaborer tous ensemble avec les groupes de djihad, avec les groupes de politique islamique, etc. Et qu'ils disent que, il dit quoi? Il dit qu'il faut que tout le monde collabore entre eux. Hein? Et il dit que dans certaines parties de ses livres, il dit s'il y a un groupe qui fait des actes, hein, de terrorisme ou des actes de djihad ou des trucs comme ça, comme il les appelle, eh bien, il y a une partie de la Ummah qui doit dénoncer ça, hein, pour se protéger, tandis que l'autre partie le défend. Yani, c'est la même méthode à laquelle appelaient les Batiniyya à l'époque où il y avait les Batiniyya qui attaquaient les musulmans à l'époque. Ils se divisaient en différents groupes et ils justifiaient les attaques contre les dirigeants, ils faisaient le takfir et ils appelaient à la rébellion contre les dirigeants dans les pays musulmans. Et aujourd'hui, ils sont en train d'appeler à la même chose, mais de différentes façons. Donc les koufars, eux, ils profitent de ça et ils utilisent parfois ces groupes-là parce qu'ils réussissent parfois à s'infiltrer à l'intérieur de ces groupes, et parfois même, ils n'ont même pas besoin de s'infiltrer, parce que ces groupes-là sont tellement égarés qu'ils leur rendent service sans rien en retour, dans le sens qu'ils leur rendent service en faisant des actes contre l'islam, hein, et qui justifient justement les agressions par la suite qui sont faites de la part de ces kuffars-là contre les musulmans, comme par exemple l'exemple de Al-Qaïda et Ben Laden et ses alliés aujourd'hui. Et on voit que maintenant, même en Occident, Allah Musta'an, beaucoup d'entre ces égarés-là, parmi les groupes de takfir et parmi ces groupes de djihadi, maintenant, qui ont été accusés de certaines choses dans le passé, hein, et qui ont été parfois arrêtés même, ou bien envoyés dans leur pays ou autre, ils reviennent dans les pays non musulmans, dans les pays de Kouf, hein, et c'est là leur, c'est là qu'ils aiment rester en fait en général. Vous les retrouvez le plus souvent dans les pays de Kouf, hein, parce que c'est là qu'ils peuvent propager leur da'wa en toute liberté. Donc ils vont dans les pays de Kouf, et les pays de Kouf les protègent, les défendent, et même parfois ils leur offrent des compensations ou des réparations pour soi-disant le fait qu'ils ont été enfermés ou qu'ils ont été brimés dans leur liberté. Ils vont dire par exemple à leur sujet que ils avaient la liberté d'expression, on les a privés de leur liberté d'expression ou des choses de ce genre. Donc ça c'est maintenant ce qu'on remarque, hein, de la part de ces gens-là qui appelaient au takfir, qui insultaient les dirigeants, qui insultaient les ulama de l'islam, en particulier les ulama d'Ahlus Sunnati wal Jama'a, qui faisaient le takfir des ulama, hein, on les voyait à l'époque en train de faire le takfir, d'insulter les ulama, et aujourd'hui ils jouent à la victime parfois, et même parfois ils se font rembourser de la part des gouvernements de Kouf des millions et des millions de dollars, hein, en échange de ce qu'ils ont fait. Et parfois même on a entendu aussi, hein, de la part de certains d'entre eux qui s'infiltraient dans des groupes de jeunes, hein, parmi des groupes de jeunes, qui les appelaient au takfir et aux actes terroristes, et par la suite, hein, parce que c'était des gens qui étaient payés par certains gouvernements des Koufars justement, et on leur a offert des millions de dollars pour ça, puis par la suite, une fois que ces jeunes-là étaient prêts et qu'ils décidaient de le faire réellement, eh bien là, on les arrêtait, hein, on les faisait arrêter, ces jeunes-là, et c'est ceux-là qui appelaient au takfir ou aux actes de terrorisme se faisaient, et eux, ils s'en allaient ailleurs, et puis, comme si rien n'était, parce qu'ils ont été incités par ces takfiriyins-là. Et donc, on a vu ces gens-là très actifs à une certaine époque. Maintenant, ils sont rentrés, comme certains ont expliqué, hein, ils sont rentrés dans une nouvelle étape. Hein, ils ont dit, moi je me souviens même une fois, à l'époque quand j'étais pendant le Ramadan, il y en a un qui a fait un discours justement dans une mosquée à Montréal, et il a parlé de la fourmi, et il commence à parler, de faire un discours sur la fourmi. Et dit, quand on est sorti de la mosquée, j'ai parlé avec un frère, justement un des frères qui vient au cours avec nous. J'ai dit, mais c'est quoi l'histoire de la fourmi qu'il a mentionné, l'autre qui parlait de la fourmi, c'est quoi cette histoire de la fourmi? Et je comprenais pas de quoi il voulait parler, de quoi il parlait, pourquoi il parlait de la fourmi, subhanallah. C'est quand je suis allé sur Sahab, je suis tombé sur un texte que quelqu'un avait écrit qui expliquait que un d'entre eux, parmi les sururis actuellement, ils ont dit que maintenant ils rentraient dans une nouvelle phase, une nouvelle étape, qui était l'étape de la fourmi. C'est-à-dire que maintenant ils peuvent plus travailler ouvertement et clairement comme ils le faisaient. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire des tunnels, en train de créer des alliances, des organisations, des affiliations avec toutes sortes de différents groupes, hein. Ils travaillent en dessous de la terre pour s'organiser, parce que quand ils voient que la situation devient trop dure pour eux, ils continuent leurs activités et leur travail, mais ils le font en sourdine, et ils font comme les fourmis en dessous de la terre. Ils créent des tunnels, des galeries, hein, ils se rattachent les uns avec les autres. Et là, c'est ça ce que vous voyez maintenant, les groupes et les organisations islamistes, hein, qui travaillent en collaboration. Eh bien, ils s'allient maintenant avec, ils font des alliances avec des groupes des koufars, ils font des alliances avec des laïcs, ils font des alliances avec des socialistes, ils font des alliances avec des anarchistes, ils font des alliances avec plein d'autres groupes de koufars, même avec les juifs et les chrétiens et autres. Et ils commencent à faire leurs alliances de cette manière-là. Et c'est ça que vous avez vu apparaître depuis quelques années là. C'est exactement ça qui se passe. Hein? Donc ça c'est leur relation qu'ils ont avec les koufars, et bien entendu ils sont toujours alliés avec les koufars contre les musulmans, et en particulier contre les salafis et contre les gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et ces gens-là, ils n'ont pas d'ennemis plus grands et de personnes qu'ils détestent plus que les salafis. Yani, c'est leur ennemi, c'est leur bête noire, c'est leur ennemi numéro un. Le Cheikh il dit donc ensuite, donc ils ont beaucoup d'exemples dans l'histoire, on a vu, et il dit, Cheikh Muqbil, rahimahullah, que parfois même vous allez voir qu'il y avait des guerres dans l'histoire qui sont arrivées entre les gens de les musulmans, hein, entre l'islam et le kufr. Il y avait des guerres et des affrontements, et que pendant que les musulmans étaient justement en train d'affronter les kuffars, les khawarij sortaient dans le pays et commençaient à attaquer les musulmans, hein, à l'intérieur. Alors les musulmans étaient obligés de retourner, hein, dans la ville justement pour protéger leur honneur, hein, des attaques des khawarij de l'intérieur. Donc ça c'est le danger des khawarij. Le Cheikh il dit, Cheikh Muqbil rahimahullah, il dit, bid'atul khawarij tu'tabaru awwalu bid'atin hadathat fil islam. فإنه أتى ذو الخويسرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم في غزوة حنين فقال اعدل يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل فقال بعض الصحابة دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج من ضئضئ هذا أي من صلبه وظهره قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. Le Cheikh il dit, et donc la secte des Khawarij est considérée comme la première bid'a qui est apparue dans l'islam. Parce qu'il y a un homme qui s'appelle Dhul Khuwaysira qui est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en train de distribuer les butins de la bataille de Hunayn. Et cet homme, il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, « Ô Mohammed, sois juste. Hein? Ô Mohammed, sois juste. » Il ne dit même pas, « Ya Rasulallah. Hein? » Même pas. Il dit directement comme ça, « Ya Mohammed. » Hein? Et les ulama ont dit que celui-là c'était un parmi les munafiqis, hein? Donc il a dit, i'dil ya Muhammad, hein? Sois juste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, malheur à toi, et si moi je ne suis pas juste, qui d'autre sera juste après moi, hein? Puisqu'il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc encore là on voit cette attitude, hein, de la part de ce khariji dhul khuwaysira, le premier parmi les Khawarij, le premier parmi ces gens d'égarement qui est apparu pour dire ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, et bien on le retrouve encore aujourd'hui chez les Khawarij de notre époque avec leur discours de justice sociale. Hein. Et récemment, dernièrement, il n'y a pas deux jours, hein, il y en a un qui, justement, parmi ces gens-là qui sont influencés par la voix des Khawarij, par la voix des Ikhwan à Montréal. Subhanallah, tu vois à quel point ces gens-là ils n'ont pas appris l'islam, ils ne connaissent pas les principes de la sunna, rien. Il dit le plus important dans l'islam c'est la justice sociale, hein? Donc eux ils ne veulent pas entendre parler de Coran, de sunna, de tawhid, hein, de hadith et tout. Pour eux ça c'est pas important. Parle-nous de justice sociale, on veut entendre parler de redistribution des biens, hein, la redistribution des richesses pour les pauvres, comment on va aider les gens, etc. Hein. Et ils sont contre les gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont, hein, comme s'ils sont jaloux de ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas distribué le butin de manière égale pour tout le monde. C'est comme il va prendre le butin, il va donner à chaque sahabi ou à chaque personne un morceau du butin égal à tout le monde. Non. Il a donné, hein, selon l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donné à chacun selon l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois, il y avait des sahabes qui méritaient beaucoup plus et il leur donnait moins. Alors que c'était des gens qui méritaient beaucoup plus. Hein. Et à d'autres, hein, il donnait plus alors qu'il méritait même pas. Ou qu'il méritait moins. Dans le sens, à nos yeux, selon nous, selon ce qu'on observerait nous-mêmes, on penserait qu'il mérite moins. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait mieux, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la révélation, il lui explique, hein, il lui donne la religion, la révélation, il sait qui mérite plus et qui ne mérite pas plus, et à qui il doit donner, hein, telle proportion, et à qui il doit donner plus ou moins. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il distribue selon le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois, il donne à des nouveaux musulmans qui sont nouvellement convertis, il leur donne plus qu'à d'autres sahabis qui sont, hein, des anciens parmi les sahabas. Il leur donne moins. Parce qu'il sait que ceux-là, ça y est, leur foi, elle est raffermie et qu'ils sont solides dans leur islam, solides dans leur iman. Tandis que d'autres qui sont plus nouveaux ou bien qui ont une foi moins forte, et allez, il leur donne plus pour justement les raffermir et les aider dans leur islam. Donc, certains parmi ceux-là, ils vont considérer que ça c'est de l'injustice. Hein. Mais non, bien entendu, ce n'est pas de l'injustice. Mais qui peut s'objecter au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, excepté un ignorant ou un égaré, hein. Donc, on a l'exemple ici de ces gens-là, et encore aujourd'hui, ils ont le même discours, hein. Justice sociale, égalité, hein, ils ont le discours de l'économie, hein, de la politique, etc. C'est ça leur discours. Hein. L'iman, l'aqida, le tawhid, les fondements de l'islam, bon, ça c'est un détail. On n'en parle pas, ça divise les gens. Hein. Ils disent, ah non, parlez pas de tawhid. Ça divise les musulmans, ça fait fuir les musulmans. Hein. C'est comme il y en a un à Montréal dernièrement, il m'a dit ça, justement. Il m'a écrit un email, hein, et puis il me dit, j'ai essayé en 2001, j'ai essayé de donner des cours sur l'aqida d'une façon philosophique, hein, Allah al-musta'an. Il dit, après quand j'ai vu ça, j'ai vu qu'ils sont tous partis, ils sont plus revenus, alors je voulais pas les perdre, alors j'en parle plus de aqida, hein, de aqida, j'en parle plus. Allah al-musta'an. Premièrement, qui t'a dit de parler de philosophie, hein? On te parle d'aqida et non pas de philosophie. Ça, c'est la preuve que ces gens-là, ils ignorent complètement le tawhid. Pour eux, le tawhid, c'est de la philosophie. Ils pensent que c'est de la philosophie. Et deuxièmement, est-ce que parce que les gens, ils veulent pas entendre quelque chose, tu vas cesser d'en parler, hein? Imaginez si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait du tawhid à Quraysh, et que Quraysh voulait pas l'entendre, hein? Il dit, ah ben les gens ils veulent pas entendre ça, ce message là, je vais changer de message maintenant, je vais plus parler de tawhid, hein, à Quraysh, parce qu'ils aiment pas ça. A'udhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de transmettre ce message, il peut pas changer de message, il peut pas amener quelque chose d'autre parce que ça fait pas plaisir aux gens. Mais c'est ça la méthode de ces gens de bid'a, de ces hezbiyin aujourd'hui, hein, c'est que, ah, qu'est-ce qui fait pas plaisir aux gens, qu'est-ce qui attire pas les masses, on va pas en parler. Hein? Et quand il parle de aqida, c'est juste hakimiyya, takfir, hukam, hein? Parce que ça c'est politique. Donc ça attire les gens, ça attire les masses, hein? Ça attire les gens qui n'ont pas d'intérêt pour la religion même. Hein? Les gens qui n'aiment pas la religion, ils entendent parler de politique. Ah oui, ça c'est intéressant. Hein? Vous voyez même les koufars. Hein? Il y en a qui sont dans les débats politiques, les débats économiques, qui sont là-dedans. Il y a des émissions là-dessus, il y a des trucs de reportage là-dessus. Ils sont là, ils sont en train de discuter sur ces choses-là. Ça les passionne, ça les intéresse. Commence à leur parler d'Allah, commence à leur parler de tawhid, commence à leur parler de iman, de aqida, commence à leur parler de Qur'an et de hadith. Tu vas les voir, ils vont fuir comme des. Ils vont fuir comme Allah il dit dans le Coran, ils vont fuir comme des ânes quand ils voient des lions. Hein? Allah al-musta'an. Donc ça c'est des exemples de la part de que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne de ces gens-là comme Dhul Khuwaysira. I'adil fa innaka lam ta'adil. C'est ça qu'il lui a dit, Allah al-musta'an. Alors les sahabas ont dit au messager d'Allah, laisse-nous pour qu'on frappe son cou à celui-là. Hein? Laisse-nous pour lui frapper son cou à cet hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit non, laissez. Hein? Je ne veux pas que les gens disent que par la suite, il tue ses propres compagnons. Hein? Commencer à répandre des choses. Parce que c'est ça que les gens aiment faire, répandre des rumeurs fausses. Hein? Puisque celui-là, c'était un munafiq. C'est pas un compagnon. Mais les gens, ils savent pas la réalité. Hein? Alors, pour éviter le plus grand mal, il les a laissés en paix, hein, il les a laissés. Après, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cet homme-là, hein, de son le cheikh il explique, il dit min sulbihi wa dhahri, de son dos et de ses, il va sortir de celui-là un groupe des gens, quand vous allez comparer votre prière à leur prière, vous allez mépriser votre prière, et quand vous allez comparer leur jeûne à votre jeûne, vous allez mépriser votre jeûne, parce qu'ils font plus que les sahaba, ils essaient de faire plus que les sahaba, hein. Et il sort de la religion comme la flèche sort de son arc. ومعنى هذا أنك إذا رميت غزالا أو حمار أو حمار وحش أو غيرها فربما لشدة القوس وسرعة السهم ينفذ من الرمية حتى ترمى ويخرج وليس فيه أثر الدم ولا فرث. قد سبق الفرث والدم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit la signification de la flèche qui sort plus vite de, qui sort de son qui sort de la flèche qui sort plus vite, qui la personne qui, c'est-à-dire que les khawarij vont sortir de la religion plus vite que la flèche qui quitte son arc ou bien qui passe à travers la proie, yani, hein. C'est-à-dire, il dit ça, c'est la signification que lorsque tu vas tirer sur une gazelle ou un âne sauvage, une mule sauvage, quelque chose comme ça, hein, étant donné que tu tires la flèche tellement fort, et à cause de la rapidité de la flèche, elle rentre dans la proie et dans la chose que tu as visée, et puis elle traverse, et quand tu regardes la flèche, quand elle est traversée, il n'y a même pas une trace de sang, rien dessus, hein. Pourquoi? Parce qu'elle est traversée tellement rapidement, et c'est de cet exemple-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné pour dire à quelle vitesse ces gens-là vont sortir de l'islam, hein. Et souvent c'est ça. Vous trouvez que les khawarij, c'est des jeunes, hein, qui sont élevés dans les pays occidentaux, qui ont une éducation occidentale, hein, qui sont des jeunes qui ont étudié parfois dans les universités occidentales, qui vivent le mode de vie occidental, hein, qui sortent avec des filles, qui vont en boîte, qui se rasent, qui fument, hein, qui prennent de la drogue, qui font n'importe quoi, yani, hein, ils font pas la salat, rien. Puis, du jour au lendemain, ils entendent un discours émotif, hein, ils entendent par exemple un discours sur la Palestine ou sur l'Irak, qu'est-ce qui se passe, hein, et on leur parle de des massacres et des trucs de ce genre, hein, et on les pompe émotionnellement, et là ils commencent à se réveiller soi-disant pour dire bon ça y est, il faut que je fasse quelque chose, après tout je suis musulman, hein. Puis là ils rencontrent certains parmi ces gens-là qui font la da'wa, et ces gens-là habituellement c'est des gens qui sont pas nécessairement connus, hein, parce que d'habitude les du'ats, les gens parlent des du'ats, ils s'imaginent, ah ça c'est des gens des du'ats, ils parlent à la télé, ou bien ils font des conférences, ou bien ils donnent des durus, hein, ils sont on the open, comme on dit en anglais, c'est-à-dire ils font leurs affaires en plein jour, ouvertement. Ça c'est les du'ats de certaines catégories de du'ats chez les hizbiyin. Mais il y a d'autres du'ats. Parmi les gens de takfir et des khawarij, eux c'est le contraire. Ils veulent tout sauf être remarqués ou être connus. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont vers des petits groupes, hein, ou bien vers des individus ciblés, et puis ils leur font une da'wah subtile et en sourdine. Hein, ils les détectent, hein, ils essaient de détecter ceux qui sont susceptibles d'être penchés vers leurs idéologies. Et puis après, ils les approchent et puis ils commencent à essayer de les pomper comme ça justement avec ces idées-là. Ils voient la réaction. Ils commencent à leur parler des dirigeants, à parler des Américains ou des Koufars. Ils vont dire, regardez ce qu'ils font, regardez ci et ça. Ils voient les réactions. Ils voient comment les gens réagissent. Et puis s'ils voient que c'est favorable, ils continuent à pomper leur darwa sur eux comme ça, hein. Donc ça, c'est leur méthode. Et ce sont des gens, comme j'ai dit, ils n'avaient pas de pratique religieuse très très poussé, très avancé, ni de connaissance de la religion. La plupart du temps, c'est des gens qui n'ont jamais étudié l'islam. Ils n'ont dans leur tête que les idées des koufars, hein. Et donc, ceux-là, quand ils commencent à justement apprendre leur religion avec les livres de Sayyid Qutb ou avec les idéologies de ces révolutionnaires, hein, islamistes, eh bien, ça y est, yani, ça crée comme un genre de cocktail dans leur tête, hein, cocktail, et yani, commence à justement avoir des idées de ce genre. Il y en a qui vont penser à faire des actes de terrorisme ou à faire des actes de suicide ou d'autres choses de ce genre. Ils pensent que c'est la façon d'aider l'islam et ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont arriver à défendre la cause de l'islam et des musulmans. Allah musta'an. Alors que, bien entendu, c'est pas le cas. Donc, c'est des gens qui, justement, comme ils sont rentrés dans l'islam dans l'ignorance et avec peu de compréhension ou aucune compréhension du tout, eh bien, ils la quittent aussi vite que la flèche qui traverse, qui quitte son arc et qui traverse sa proie ou qui traverse sa cible, hein, sans laisser aucune trace. C'est comme s'ils n'avaient jamais été musulmans ou pratiquants de l'islam auparavant. Quand ils quittent, hein, tu les reconnais plus par la suite. Eh bien, c'est comme ça. Comme ils sont rentrés, ils sortent aussi vite. Allah al-Musta'an. Et c'est même aujourd'hui, vous les trouvez comme ça. Hein? Même ceux qui se prétendent, qui font la da'wa à la voix des khawarij, hein, que ce soit sur Paltalk ou ailleurs, les voix, c'est des gens, yani, subhanallah, des gens complètement perdus. Hein? Ils vont dans les boîtes, ils vont danser, ils disent, ah, on fait ça pour tromper les kuffars ou des choses comme ça, pour pas qu'ils nous reconnaissent. Il y en a qui vont se raser, hein? Ils se rasent la barbe et tout, ils disent, ah, ben, nous, on n'a pas le choix de se raser. Hein, parce qu'on est surveillé ou des trucs comme ça. Il y en avait à Montréal qui faisaient ça. Tu les vois, ils se rasaient comme ça là. Hein? Pas un poil de barbe dans leur visage. Et tu les vois en train de parler de, tu les voyais en train de parler de jihad, jihad, jihad. Hein? Et quand on leur disait, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu peux même pas laisser un poil de ta barbe pousser puis tu parles de jihad. Hein? Après, ils disaient, ah mais non, tu comprends pas. Chacun, on a nos difficultés, on a nos excuses, nos prétextes, etc., etc. Donc c'est ça l'égarement de ces gens. Yannick, je ne sais pas si vous êtes au courant, par exemple, il y a un dénommé Ashmaoui qui était qui a écrit un livre justement, At-Tarikh al-Sirri, les Jama'at al-Ikhwan al-Muslimin, l'histoire secrète, hein, l'histoire de Yannick secrète du groupe des Ikhwan al-Muslimin. C'est un ancien chef de la branche. De la branche spéciale des Ikhwan, ok, et c'était une branche parallèle ou un groupe parallèle aux Ikhwan, ok, qui avait comme pour mission de faire le sale boulot comme on dit, hein. Et justement dans ce livre là il a justement expliqué que cette branche là secrète des Ikhwan, elle existait et que eux justement ils travaillaient en parallèle et que parfois lorsqu'ils commettaient des actes ou ils faisaient des choses qui, comme des meurtres ou des assassinats ou des choses comme ça, eh bien Hassan al-Banna lui il se désavouait d'eux, hein? Et ça c'était, il considérait que c'était tout à fait normal, hein? Parce que lorsque ils avaient des problèmes ils se désavouaient de ce groupe secret ou de ce groupe spécial, hein? Donc c'est encore leur méthode aujourd'hui. Ils se désavouent les uns les autres alors qu'ils sont ensemble et qu'ils travaillent ensemble. Hein. Ils vont voir des groupes extrémistes, hein, qui appellent au takfir et au groupe de djihad, des groupes extrémistes comme ils le prétendent, et même qui se prétendent parfois même aujourd'hui comme des groupes de salafi djihadi, comme ils disent, alors qu'ils n'ont rien du tout à voir avec la voie des salafs et ils n'ont rien à voir non plus avec le vrai djihad. Mais vous les voyez, hein, les Ikhwan qui sont soi-disant qui se disent modérés, ils se désavouent de ces groupes-là, alors qu'en réalité ils sont ensemble, ok? Et ils se désavouent juste en apparence. En réalité, ils sont des collaborateurs entre eux, et puis ils se défendent les uns les autres. Et ça, vous avez plein d'exemples de ça et plein de preuves de ça aujourd'hui. Allah musta'an. Donc c'est exactement comme ils faisaient à l'époque. Hassan al-Banna avec le groupe spécial ou la branche secrète des Ikhwan, ils le font encore aujourd'hui de cette façon-là. Ensuite, le cheikh, cheikh Muqbil dit, والخوارج ظهروا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تركهم حتى قتلوا عبد الله بن خباب وقطعوا السبيل وخشي علي وجماعته أن يشتبكوا مع معاوية وجماعته فيميل الخوارج إلى أهل علي وجماعته ويسبونهم ومن ترهاتهم وضلالاتهم أنهم يقولون لا حكم إلا لله وأنت يا علي حكمت الرجال فأتى علي رضي الله عنه بمصحف فأخذ يضربه بعود ويقول احكم يا مصحف بين الناس فقالوا يا أمير المؤمنين إنما هو ورق وحبر وجلد فقالوا كيف تفعل ذلك فقال كيف فكيف تفعل ذلك قال هؤلاء يأمروني بأن أحكم الكتاب والسنة والذي يحكم بالكتاب والسنة هم الرجال الذين يفهمون الشرع regardez qu'est-ce qu'il dit le cheikh Muqbil ici. Il dit que les khawaris sont apparus à l'époque de Ali radiallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Ali les a laissés, c'est-à-dire il les a pas combattus tout de suite, jusqu'à ce qu'ils ont commencé à tuer. Quand ils ont commencé à tuer, là il les a combattus. Ils ont commencé par tuer Abdullah ibn Khabbab. Et puis ensuite, ils ont commencé à faire du banditisme, à couper les routes aux caravanes. Alors quand, et Ali a craint que ces gens-là se rallient, essaient de se rallier au groupe de Muawiyah pour par la suite essayer de les insulter, etc. D'insulter Ali et son groupe, etc. Hein? Et donc, ils ont essayé de faire. Donc Ali les a combattus. Et parmi leurs égarements, parmi l'égarement des Khawarij, c'est qu'ils disaient la hukma illa lillah, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir de jugement, hein, pas de jugement excepté à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le jugement c'est uniquement à Allah qu'il appartient. Et ils disaient toi Ali, tu as utilisé des hommes pour juger. Alors Ali radiallahu anhu, il a pris un mushaf, il a pris une copie du Coran. Et puis il a pris un bâton dans sa main. Et puis il a commencé à le frapper, hein, à frapper ce Khariji. Et il lui dit oh Mus'haf, juge entre les gens, hein, en s'adressant au Mus'haf, comme si pour montrer que le Mus'haf, hein, pour lui montrer que le Mus'haf il ne peut pas juger. Alors ce Khariji, il a répondu, il dit oh Amir al-Mu'minin, c'est seulement du papier, de l'encre et du cuir, hein. Alors comment tu peux faire ça, et comment tu peux me frapper en demandant au Mus'haf de juger, hein? Alors Ali radiallahu anhu, il a dit cela il me demande de juger par le Coran et par la Sunna, mais celui qui juge par le Coran et ceux qui jugent par le Coran et la Sunna, ce sont les hommes qui comprennent la charia, hein? c'est ça la réalité et c'est ça la signification, hein? Ceux qui vont juger par le livre, c'est ceux qui connaissent le Coran et la Sunna qui vont juger selon la charia, et non pas le livre lui-même tout seul qui va juger les hommes, hein. Donc quand ils ont pris des juges, hein, pour régler les conflits, c'est en accord avec le Coran et la Sunna, parce qu'ils ont pris des ulama, ils ont pris des sahaba qui avaient du ilm, qui savaient comment juger dans ces questions là ثم قال علي ابن ابي طالب ان الله جعل في الصيد إذا اصطاده المحرم أن يحكم فيه ذو عدل منكم وكذلك في شأن المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. Donc ça c'est le verset en question. Le cheikh, il dit que par la suite, Ali ibn Abi Talib, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que lorsque le muhrim, hein, celui qui est en état d'ihram durant le hajj, lorsqu'il a chassé, hein, il a fait de la chasse, il a attrapé un animal, hein, il a tué un animal alors qu'il était muhrim, on sait que ça c'est interdit dans l'ihram. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dans Surat Al-Ma'ida au début, que c'est qu'elle. qu'on doit prendre un juge parmi les gens qui sont justes, hein, pour être déterminé justement la valeur de ce qu'il doit payer comme remboursement ou des choses de ce genre. وكذلك في شأن المرأة وزوجها. Et de même que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de prendre un juge de la famille de la femme et un juge de la famille de l'homme lorsqu'il y a des problèmes entre deux époux, un homme et sa femme, de prendre un juge parmi sa famille à elle et un juge parmi sa famille à lui, si ils craignent les problèmes ou les désaccords entre eux, hein, pour que s'ils veulent la réforme ou la réconciliation, Allah a la valeur donnée ou va mettre le succès entre les deux, comme c'est dans le verset 35 dans Sourate An-Nisa. قال فدماء المسلمين أعظم من اختلاف رجل من اختلاف رجل مع امرأته أو أعظم من الصيد. ثم أرسل إليهم عبد الله بن عباس ليناظرهم. Donc Ali radiallahu anhu, il a dit, le sang des musulmans est plus important et plus grand que la dispute ou le désaccord qu'il peut y avoir entre un homme et sa femme, et plus grand encore que les questions de chasse. Hein? Donc, c'est encore plus nécessaire, en voulant dire, c'est encore plus nécessaire d'utiliser un juge ou d'utiliser des juges pour essayer de régler le conflit entre les musulmans. Et donc, il a envoyé Abdullah ibn Abbas par la suite pour débattre avec eux. Hein? Il est parti, hein, pour débattre avec eux, Abdullah ibn Abbas. Donc, ça, c'est les exemples de l'ignorance des Khawarij, comment ils utilisent les versets en dehors de leur contexte. Hein, il hukmu illa lillah, c'est ce qu'ils disaient, c'est une parole véridique, mais ils voulaient par cette parole-là quelque chose de faux. Hein. Hakkun, comme Ali, radiallahu anhu, il l'a dit, ça a été expliqué dans d'autres livres. Il a dit, kalimatu haqq, uridu biha al-batil. C'est une parole véridique par laquelle ils ont voulu quelque chose de faux. C'est vrai que le jugement n'appartient qu'à Allah, mais c'est pas ce que ça veut dire, c'est pas ce que les Khawarij ont compris. Ça veut pas dire ce que les Khawarij ont compris pour commencer à faire le takfir des Sahaba et à les déclarer kuffar en disant qu'ils ne jugent pas selon le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore aujourd'hui, les Khawarij aujourd'hui, ils ont la même shubha, toujours sur la question du hukum. C'est toujours la question du jugement et du gouvernement ou de la politique ou des dirigeants. Ils utilisent toujours les mêmes choubouhat. Et ils essaient de dire, non, aujourd'hui, on n'est pas, c'est pas la même chose qu'avant. Nous, aujourd'hui, on fait le takfir des dirigeants, mais c'est pas la même chose que les Khawarij à l'époque de Ali radiallahu anhu et des Sahaba qui, lorsqu'ils faisaient le takfir de Ali et des autres Sahaba, c'est pas la même chose. Où est-ce qu'elle est la différence? C'est la même chose, hein. Et en plus, si on réfléchit bien comme il faut, si quelqu'un est capable de faire le takfir si quelqu'un est capable de faire le takfir de Ali radiallahu anhu et des Sahaba, alors de qui par la suite sera-t-il, de qui par la suite va-t-il s'empêcher, hein, de le déclarer kafir, hein? Il va s'empêcher de déclarer kafir qui par la suite, hein? Puisque eux, ce sont les meilleurs de la Ummah. Donc si quelqu'un fait le takfir des meilleurs de la Ummah, qu'est-ce qui reste par la suite, hein? Et la même chose pour ceux aujourd'hui qui déclarent kuffar les dirigeants de l'Arabie Saoudite et les ulama de l'Arabie Saoudite. Donc si eux sont kuffar, alors que ce sont les meilleurs de la Ummah, dans le sens que c'est le meilleur pays dans l'application de la charia et dans l'application de l'islam et dans le fait de suivre le Coran et la Sunna, hein, et de combattre les innovations et les bid'ah. Alors si ces gens-là font le takfir de l'Arabie Saoudite, ça veut dire qu'ils font en réalité le takfir de la Ummah au complet, sans exception. Il n'y a pas de limite dans leur takfir par la suite, et ils n'ont pas une règle fixe et stable par laquelle ils sont capables de juger ou de distinguer entre ce qui est kouf et ce qui n'est pas kouf, et entre celui qui est en dehors de l'islam et celui qui ne l'est pas en dehors de l'islam. Alhamdulillah, les ulama les ont bien réfutés de toute façon. Donc le cheikh, il dit qu'il a envoyé Abdullah ibn Abbas, hein, pour débattre avec eux. Il dit ثم أرسل إليهم عبد الله بن عباس ليناظرهم فلما قدم إليهم قال بعضهم لا تناظروه فإن هذا من الذين يقول الله فيهم بل هم قوم خصمون وقال بعضهم نناظره ثم ناظروا عبد الله ابن عباس ورجع كثير منهم لأنهم ليس لديهم علم وإذا قرأت التاريخ من أوله إلى آخره تجدهم أناسا يتحمسون للدين على الجهل حتى إن شبيبا بمفرده ربما يهزم الجيش قدم عليهم جيش مكون من 2000 وهم 40 فهزموا 2000 حتى قال قائلهم ألف فارس كما زعمتم يهزمهم بآسك 40 وقد ابتلي المسلمون بالخوارج من زمن قديم وينقطعون ثم يرجع أناس إلى الفكرة وهم يعتبرون أجهل الناس بدين الله. Donc le cheikh Mokbel il dit donc que ils sont allés ils ont Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a envoyé Abdullah ibn Abbas pour débattre avec eux et lorsqu'ils sont arrivés yani lorsqu'il est arrivé pour parler avec eux certains d'entre eux ont dit ne débat pas avec lui hein, parce qu'il fait partie de ceux au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit balhum qawmun khasimun hein, ce sont des gens qui aiment faire des débats et des argumentations hein. Dans surat al-Zukhruf le verset 58 hein, Allah subhanahu wa ta'ala disait ça à propos de Quraysh des mushrikines et étant donné qu'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu et fait partie de Quraysh hein, ils ont dit ça à son sujet en voulant dire en essayant d'appliquer le verset qui était mentionné au sujet des mouchriquines à Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu et Allah musta'an certains d'autres parmi eux ont dit non on va débattre avec lui alors ils ont commencé à argumenter avec Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Abbas les a grillés hein, il les a complètement réfutés point par point. Chaque fois qu'ils avaient quelque chose, ils disaient, est-ce que vous avez d'autres choses? Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Et ils ont vidé leur sac, comme on dit, point par point, jusqu'à ce qu'ils aient plus d'autres points. Alors, la plupart d'entre eux, ou un grand nombre parmi eux, sont revenus avec Abdullah ibn Abbas, se sont repentis, et ils sont revenus. Tandis que les autres, ils sont restés sur leur position, et ils ont combattu contre Ali radiallahu anhu et ils ont été complètement écrasés par la suite hein, ce sont les Haruriyya ce qu'on appelle les Khawarij de Harura donc Cheikh Mokbel il dit si tu lis il dit Abdullah ibn Abbas il a débattu avec eux puis beaucoup d'entre eux sont revenus avec Abdullah ibn Abbas pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas de ilm, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas de ilm. Alors ils ont suivi la mentalité ou l'idée des Khawarij par ignorance et puis quand on leur a expliqué l'islam et la vérité, là ils sont revenus. Ça c'est la réalité de la plupart d'entre ces gens-là, ce sont des Juhal. Et c'est pour ça, même il y a beaucoup d'entre eux aujourd'hui à Montréal que je connais avec ces idées-là, je vais jamais débattre avec eux, jamais argumenter avec eux. Je leur dis juste une chose. Si vraiment vous êtes sérieux dans ce que vous dites, on achète un billet d'avion. Je prends un billet d'avion. On achète un billet d'avion, toi et moi. On prend un avion, on s'en va en Arabie Saoudite. On va s'asseoir devant les chouyours, les ulama. Et toi, tu leur donnes ta version. Moi, je leur donne ma version. Et ils vont juger entre nous deux selon le Coran et la Sunna. Pas besoin de discuter. J'ai pas de temps à perdre. Wallah, j'ai pas de temps à perdre. Si tu veux vraiment le haq, tu quitterais là où tu es maintenant et tu irais t'asseoir devant les ulama pour poser tes questions. Hein, en toute honnêteté, en toute clarté et en toute sincérité. Hein. Mais le fait que quelqu'un soit ici à Montréal ou ailleurs dans d'autres pays occidentaux ou dans les pays musulmans, qu'il fasse des débats et des argumentations hein, pour faire le takfir et des trucs de ce genre, hein, avec toute son ignorance, hein, et qu'ils veulent essayer de, d'appeler à ces idées d'égarement, il prend un billet d'avion, va là-bas à Mecca, à Al-Madina, ou bien à Riyad, ou à d'autres pays, dans, au Yémen si tu veux, ou ailleurs, va rencontrer les ulama, les mashaykhs, pose-leur les questions, hein, essaie de d'apprendre ta religion, yani, parce que pour beaucoup d'entre eux, yani, la seule chose qu'ils connaissent, hein, c'est la question de takfir, hein, ils n'ont jamais étudié rien d'autre dans l'islam, donc va apprendre ta religion, cette religion-là, elle est vaste, hein, et les ulama, vous ne les voyez pas parler jour et nuit de ça, que de ça, hein, vous ne les voyez pas parler de, que de ce sujet-là, hein, c'est la preuve que c'est comme ça que vous reconnaissez quelqu'un qui est malade, hein, quelqu'un qui a la rage, il ne parle que de ça, il ne peut pas parler d'autre chose, hein, tandis que quand vous regardez les ulama, est-ce qu'ils parlent que d'une seule chose? Non. Hein? Mais eux, ils sont incapables de parler d'autre chose. C'est comme une fixation maladive, hein, qu'ils ont. Hein? C'est ça la réalité de ces gens-là. Donc, il dit que si tu, Cheikh Mokbel, rahimahullah, il dit, si tu lis l'histoire du début jusqu'à la fin, hein, tu vas voir que ce sont des gens, les Khawarij, ce sont des gens qui sont très excités, ils ont un sens de, il y a des très, de, très émotifs, hein, ils sont très émotifs pour la, par rapport à la religion, sauf que ils ont une, leur, leur attachement à la religion est basé sur l'émotion et l'ignorance, hein, est basé sur l'ignorance. Et donc, c'est pour ça que tu vas voir un d'entre eux, un jeune parmi eux, qui va essayer d'affronter une armée à lui seul, hein, et même des fois, tu vas voir une armée de 2000, hein, et un groupe de 40 qui vont essayer de les écraser. Donc ça, c'est des exemples d'exagération et d'extrémisme de la part de ces gens-là. Et c'est ça qu'ils, c'est à ça qu'ils appellent. Hein? Comme par exemple, ils appellent les musulmans, ils disent, il faut affronter les Américains, il faut affronter les grandes puissances mondiales, il faut faire le djihad contre eux. Alors que quand tu écoutes les ulama, hein, je me souviens, il y en a certains d'entre eux, quand je leur ai mentionné les paroles de Cheikh Ibn Uthaymeen et les paroles des autres ulama quand ils ont parlé de ces questions-là, ils ont dit, les musulmans actuellement, est-ce que vous pensez qu'on est capable d'affronter les grandes puissances? Ça, c'est impossible. Hein? Ça, c'est impossible. Actuellement, les musulmans n'ont pas la force militaire nécessaire pour être capable d'affronter les grandes puissances mondiales. C'est absurde. Et puis, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ah, ça, c'est des paroles de gens qui n'ont pas de foi en Allah, ou bien ils disent que ce sont des gens qui n'ont pas de confiance en Allah, ou des choses comme ça. Ils pensent qu'on n'est pas capable de les combattre, et ils mettent la faiblesse dans la crainte ou la peur dans le cœur des musulmans par rapport aux kuffar ou des trucs de ce genre. Hein? Ils réalisent pas qu'il y a des règles, yani, hein, de base, yani, élémentaires, même logiques, yani, claires. Sur ces questions-là, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend dans la religion de prendre les moyens nécessaires de mettre notre confiance en Allah, mais en même temps de prendre les moyens nécessaires, et que si c'est-à-dire qu'on ne va pas faire comme les soufis, hein? Il y a des gens de bid'a qui disent on met notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala puis on reste assis, on attend que les choses se fassent toutes seules. Non, tu fais l'effort, et puis après tu mets ta confiance en Allah, hein? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de l'homme qui voulait laisser son chameau dehors sans l'attacher, il a dit je mets ma confiance en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ثم توكل على الله, hein? Attache-la, ton chameau, attache-le, et après mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans le Coran de nous préparer notre force, etc., hein, d'être apte, et la préparation, ça se fait pas comme ça. C'est les États qui se préparent, et c'est les musulmans en tant que État et représentants des musulmans, les dirigeants, qui font cette préparation là. C'est pas les individus et des petits groupes qui s'organisent comme des groupes de Khawarij qui pensent qu'ils vont affronter les grandes puissances. Hein, bien entendu, ce sont des gens qui sont comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits, ahdathul asnan sufaha'ul ahlam, hein? Ce sont des jeunes, ils sont des rêveurs, hein? Ils pensent que Ils pensent qu'ils vont être capables de, d'écraser des grandes puissances avec des couteaux de cuisine, hein, et des cuillères et des fourchettes. Quand même. Hein. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé d'eux, il les a décrits bien. Et il dit, le cheikh, on va terminer avec ça aujourd'hui, il dit, et les musulmans ont été éprouvés justement depuis très longtemps par les khawarij, hein, et ils disparaissent à un certain moment donné, puis il y a d'autres qui reviennent avec la même idée un peu par la suite, un peu après. Donc, leur idéologie, elle ne meurt jamais, continue toujours à revenir à chaque fois, et elle apparaît de différentes façons, de différentes manifestations chez des groupes différents à travers le temps dans différentes parties des pays musulmans, hein, jusqu'à ce que les derniers d'entre eux, le cheikh ne le mentionne pas ici, mais ça a été mentionné dans les hadiths, les derniers d'entre eux, ils vont combattre avec le Dajjal, hein, les Khawarij, les derniers d'entre eux, ils vont combattre aux côtés du Dajjal contre les musulmans. Hein? Et le cheikh il dit, ثم يرجع أناس إلى الفكرة. Il y a des gens qui reviennent avec cette idée-là à chaque fois. وهم يعتبرون أجهل الناس بدين الله. Et ces gens-là, ils sont considérés parmi les plus ignorantes, hein? Les personnes les plus ignorantes au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et on continuera donc cette petite conférence là du cheikh Mouqbil rahimahullah. On le continuera mercredi prochain inchallah. Demain il y aura le cours sur le charh de al-usul al-thalatha du Cheikh Mohamed Aman Al-Jami. Puis Inch'Allah ce sera à 10h aussi. On va le faire à 10h encore, c'est-à-dire 14h pour les gens qui sont en Europe. Et puis Inch'Allah on va continuer comme ça toujours, Inch'Allah, jusqu'à ce que l'heure change encore une fois, Inch'Allah. Donc Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et on espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de l'égarement de ces gens-là, qui nous préserve contre leur égarement et qui nous ramène à la droite, ou qui nous garde sur la fermeté et sur le droit chemin, et qui nous préserve et qui nous raffermisse sur la vérité, sur la sunna, sur la voie des salaf al-salih, et qu'il préserve nos cœurs de leur égarement. Amin. Donc on s'arrête ici et à la prochaine, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.